toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive, l'émission qui met en lumière les initiatives locales. Et aujourd'hui, on va parler d'un festival, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pogo Roland. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Noah Villeneuve. Bonjour Noah. Bonjour. Alors, Pogo Roland, si tu devais nous faire une présentation en quelques mots de ce festival. Alors, c'est un festival qu'on a créé déjà avec mon meilleur ami, Lilian. Ok. Je vais le mentionner quand même. Ouais. C'est un festival qui est parti du bac, donc on a commencé très jeune. On a commencé ça à 18 ans pour faire plaisir à nos amis du lycée. Puis chaque année, c'est un petit peu grossi tout en restant très familial. Voilà, c'est un festival où il y a mes parents qui m'aident au son, au bar. Il y a ma grand-mère qui fait les paninis jusqu'à 4h du matin. Oh. C'est vraiment un festival qui reste familial où on essaie d'amener une bonne ambiance et faire venir un public plutôt étudiant et assez jeune. Il y a une couleur musicale qui est quand même assez accentuée sur Pogo Roland. Ouais, on essaie d'accentuer sur des DJ. Une playlist plutôt électro qui passe de la house et qui finit sur de la techno, mais un peu de tout. Mais plutôt sur des DJ, ouais. Alors c'est un festival qui est un petit peu itinérant, qui a 5 ans d'existence, hein, ouais. On en parlait un petit peu avant l'émission, et qui n'a pas été que sur Amboise, enfin voilà, il y a eu plusieurs tests. Ouais, alors il a commencé à Athée-sur-Cher, dans un champ, et après il a un petit peu voyagé, il est parti sur Amboise pour la dernière édition, et cette année il sera sur Civray-de-Touraine, donc on reste quand même dans des périmètres assez rapprochés, mais il se déplace, ouais. À Civray-de-Touraine, sur un site que les auditeurs connaissent sans doute déjà bien, ouais. Surtout les festivaliers, puisque c'est, ouais. Sur le site. Des Pieds dans la Sauce, ouais, le même endroit que le festival Des Pieds dans la Sauce. Avec un aménagement de terrain qui sera un peu différent. Ouais, il sera un peu différent pour pas faire comme eux. La scène, elle sera un petit peu plus, pour ceux qui connaissent, pas dans l'endroit où il y a les armes, mais un peu plus aéré pour faire un peu plus d'espace, ouais. Alors, à l'affiche de Pogo Roland, des artistes, c'est beaucoup de DJ qui iront de la house à la techno. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette programmation? Ouais, alors on a une programmation qui est assez diverse, parce qu'on aura donc des DJ. Donc on a fait commencer Paul, donc c'est un petit DJ qui s'appelle Paul Rhythm, qui n'est pas connu, ce sera dans ses premières vraies prestations sur scène, mais on a choisi de lui faire confiance pour commencer par de la house. Mm-hmm. Puis après, ça continuera avec Lydon, donc lui qui est un DJ un peu plus, qui est jeune aussi, il a à peine 20 ans. Mais qui a participé au Energy Music Award, il est arrivé dans le top 10, il a déjà fait des premières parties de rappeurs un peu connus. Oui, c'est un bon CV quand même. Ouais, c'est un plutôt bon CV, donc il fera plutôt de l'électro. Après, on aura DJ Awesome, qui est un DJ qui a mixé à Malte, qui part faire des tournées, qui a commencé sur tour, maintenant il est DJ à Paris, il part faire des tournées à Malte, donc en termes de CV pour des boîtes de nuit, c'est aussi un bon DJ. Après, on aura Mashpit Johnson, anciennement Louane Placido, qui est un DJ qui a tourné vraiment internationalement un peu partout. Donc là, en termes de CV, c'est le plus gros qu'on ait en finale. Hein, c'est vraiment le DJ le plus pro, ouais, qu'on ait. Ensuite, il y aura Deny Shelton, le DJ du Pimps. Donc la grosse boîte de nuit de Tours qui viendra nous aider. Puis qui vient chaque année en plus. Donc lui, c'est un peu un rituel. Il nous a suivis dès le début. Donc il vient chaque année nous faire son petit set. Et on finira par Zone, qui est un DJ techno. On a choisi de rajouter un peu de techno cette année parce que ça commence à devenir vraiment à la mode. Et donc il viendra nous faire une petite dernière partie un petit peu plus techno pour les gens qui aiment ça. Un super programme, il y en aura vraiment pour tous les goûts, pour les amateurs de musique électro. Pour le coup, tu nous expliquais que c'était une forme associative qui avait été choisie pour Pogo Roland. Comment on fait pour financer un projet pareil? Eh bien, on creuse. on creuse. C'est vrai que cette année, on a quelques partenariats qui nous aident un petit peu, mais sinon, on fait avec les moyens qu'on a. C'est surtout cette année, c'est les places. On essaie de mettre des places encore pas chères, à 15 euros. C'est ça, mais oui. Mais vont nous permettre de financer le projet dans son intégralité. En fait, c'est surtout les places cette année. Alors, si on veut soutenir Pogo Roland, si on veut venir sur Pogo Roland, comment on fait? Est-ce qu'on peut déjà réserver et comment on s'y prend? Alors, ouais, on peut déjà réserver sa place. Donc, c'est vrai que nous, on est très actifs sur Instagram surtout. On a un Facebook où on essaie de mettre un peu de contenu, mais c'est vrai que c'est surtout Instagram. On a aussi un site internet, pogoroland.fr, où on peut trouver la billetterie dessus et prendre sa place directement par ce site. Mais écoutez, chers auditeurs, on mettra en lien dans le podcast de cette émission tous les liens pour que vous puissiez retrouver les comptes de Pogo Roland et puis pouvoir réserver. À partir de quelle heure le début des festivités? Alors le festival commence à 18h et on a la chance, grâce à la mairie de Civray qui nous autorise, avec une dérogation, de finir à 4h. Très bien. Au lieu de 2h normalement, donc on va pouvoir faire la fête un petit peu plus. Super, alors entre 18h et 4h du matin, qu'est-ce qu'on boit et qu'est-ce qu'on mange sur place? Qu'est-ce qu'on boit? Il y aura deux types de bières, plutôt blonde et blanche. Après, on aura tout ce qui est du vin. Des softs aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coca, de l'iced tea, des jus. Il y aura un peu tout ça. Après, nous, on mettra en place un food truck. Notre food truck à nous. On vendra tout ce qui est panini, crêpes, sucrées. Avec mamie au panini. Ouais, exactement. Elle aime la musique électro. Elle aime la musique électro. Puis elle aime tourner les crêpes. Elle a eu une crêperie toute sa vie. Donc, assez faire. Elle sera pas perdue. Un bon savoir-faire. Ouais, bah, on imagine que les crêpes seront bonnes. Ouais, elles seront bonnes. Et sinon, il y aura aussi un autre food truck qui viendra faire des plats un peu plus élaborés, des burgers, frites maison, un petit peu pour changer quoi, et faire d'autres propositions. Ok. Alors Noah, en plus de la musique et évidemment de la scène musicale, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur le site du festival ? Alors ouais, il va y avoir aussi des stands. Donc cette année, on a la chance d'avoir un tatoueur qui viendra tatouer les gens. On avait fait ça la dernière édition, ça avait vraiment beaucoup marché, les gens, ça leur avait plu. Ça marche en fait, bien, c'est tatouage flash peut-être. Ouais, flash, ils réservaient avant, ouais. Puis on leur donnait des heures et ils venaient, enfin c'était le tatoueur qui faisait ça, c'était pas moi, ils leur donnaient l'heure du rendez-vous quoi. Donc il y aura Engraving Tattoo avec THSync et Morphine Tattoo qui viendront tatouer. Alors les auditeurs peuvent pas le voir, mais je pense que Noah est un amateur de tatouage. Parce que moi je l'ai devant moi, je peux en témoigner. Très joli. Un petit peu, ouais. Merci beaucoup. Il y aura aussi du CBD, donc il y a une boutique qui vient d'ouvrir, Place Plumereau, de CBD. D'accord. Donc il viendra montrer ses produits et en vendre. Voilà. Et il y aura aussi la marque Monster Energy, donc les canettes de boissons énergisantes, qui vont venir avec leur pick-up Monster Energy avec des LED un petit peu partout, distribuer des goodies et des canettes de Monster à tout le monde gratuitement pour faire une petite animation en plus. D'accord, très bien. De ton point de vue, Noah, ce festival, il s'adresse à quel public ? Est-ce que ça peut être familial ? Est-ce qu'on peut venir avec ses enfants ? Est-ce que ça s'adresse plutôt à un public de lycéens ou ex-lycéens comme... Bah alors c'est vrai que nous, c'est parti du lycée, donc c'est un public qui a vieilli avec nous, qui peut être très lycéen et étudiant de Tours, c'est plutôt ce qu'on vise. Mais au vu de comment va être le lieu, comment on va l'agencer, on peut largement venir avec ses enfants. Si on aime l'électro et on a envie de s'amuser, il y aura largement la place pour venir avec des enfants. De base, on vise un public plutôt étudiant, mais on essaye de faire vieillir un peu la population, essayer de toucher d'autres mondes, et on peut largement venir avec ses enfants, oui. Eh ben écoute, super, on vous souhaite un super festival. En tous les cas, on en parlera sur Radioactive pour faire la promotion de l'événement. On rappelle que ça aura lieu le 29 juin à Civray-de-Touraine, et on n'a pas parlé de la Fiesta Dorée. Exactement, ouais. On oublie un essentiel. C'est vrai. La Fiesta Dorée, donc, c'est un deuxième événement qui fera l'office pour nous d'un before pour chauffer les gens avant de venir à Pogoroland, qui sera organisé donc avec la mairie d'Amboise sur l'île d'Or et qui rentrera dans les festivités de la ville d'Amboise le lendemain de la fête de la musique, le samedi après-midi. Ok, et on y trouvera quoi ? Et ben, en fait, c'est dans le même esprit que Pogoroland. On y trouvera des DJ électro qui viendront mettre de la musique. Et une guinguette éphémère qu'on va créer sur une journée. Donc là, on pourra venir prendre sa bouteille de vin ou sa bière et manger des planchettes de charcuterie fromage comme on peut trouver dans une guinguette. La vie, quoi. Exactement. Fabuleux. Super. Eh bien, merci, Noah. Je rappelle que tu es l'organisateur de ce festival Pogoroland. D'ailleurs, au sein de l'asso, tu occupes quel titre ? Le président. Le président. Voilà, donc président de Pogoroland. Merci d'être venu dans le studio de Radioactive pour nous parler de ces deux événements. 29 juin à Civray-de-Touraine, sur le site des Pieds dans la Sauce, le festival Pogoroland. Et le 22 juin, ce sera la Fiesta Dorée en guise d'apéro d'avant-festival sur l'île d'Or. Eh bien, merci beaucoup, Noah. On rappelle que le tarif, c'est de 15 euros et qu'on peut d'ores et déjà réserver via les réseaux sociaux. Il y a un camping gratuit sur place aussi pour dormir. Super. Merci à vous. Merci, on se quitte en musique. Tu nous as préparé un petit son de ce qu'on va retrouver justement exactement, sur Pogoroland. Ouais. Exactement. Merci, c'est la fin de ce mag et bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive. Communicate with the world, man, woman, a baby. baby boy and a girl, Papa Lord, looking out the bomb shot. Take a shot while you're facing arms drop. Stop, look, learn to read, learn to write, learn to talk, learn to walk. Don't tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. I said if you're thinking of being my brother, it don't matter if you're black or white. I said if you're thinking of being my baby, it don't matter if you're black or it's white. Woo!